Les participants à la conférence des délégués des succursales de l'Association générale des Coréens restant au Japon, Tsongyeon 2016, ont adressé le 6 courant une lettre au maréchal Kim Jong-un. La lettre indique notamment « Grâce à la direction éclairée du maréchal et à ses bienfaits, les succursales unités de vie principales des Coréens au Japon ont appliqué sur tous les plans les 5 tâches avancées dans sa lettre historique du 25 mai, de sorte que la présente conférence a pu manifester le prestige de la Tsongyeon et marquer un élan décisif pour le nouvel essor dans le mouvement des Coréens au Japon. » Nous avons appliqué de fond en comble les recommandations des grands leaders et les instructions du maréchal données pour notre travail, en prévoyant la conférence des délégués des succursales de la Tsongyeon pour l'an 109 du Juche 2020, et nous nous sommes engagés dans le travail pour consolider nos formations en pierre de forteresse. Nous développerons toutes les succursales au niveau de l'époque de Kim Jong-un afin que l'on ressent la fierté et la dignité des Coréens ayant les grands leaders. Les éléments actifs de la nouvelle génération joueront le rôle déterminant pour consolider la tradition et continuer sans cesse la fière histoire de la Tsongyeon. Ainsi, nous manifesterons dans le monde entier le prestige de la Tsongyeon développée comme aujourd'hui grâce aux grands leaders et ouvrirons l'âge d'or de notre organisation afin de répondre de nos mieux à la confiance et à l'amour immense du maréchal. Nous souhaitons sincèrement santé au maréchal Kim Jong-un, grand homme sans égal du Baekdu et père affectueux.